Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet et pour l'avant-dernière émission de la 39e saison, j'ai oublié mon casque. Alors on va essayer de faire sans, j'espère que je ne parle pas trop fort, j'espère que vous entendez que la musique n'est pas trop forte et que tout va bien se passer. Aujourd'hui, fête de la musique, j'ai décidé de vous faire un Beatles, enfin non pas un Beatles, un Paul McCartney live. La setlist que j'aimerais entendre au moins une fois en concert, eh bien on l'entendra ce soir dans la saga des Fab Four. C'est la saga des Fab Four numéro 568 et donc je ne vous donne aucun titre puisque c'est un live. Je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et tout va très très bien se passer. Nous sommes au Stade Bordelais. Paul McCartney est là et il arrive. Open to peu près 12 minutes sans s'arrêter. Ça, c'est notre Paul. Salut tout le monde, c'est Thierry Gallet. Là, il nous fait une présentation, comme d'habitude. Il nous dit qu'il est très content d'être revenu à Bordeaux encore une fois, mais tout seul cette fois-ci pour la fête de la musique. Et il espère que tout le monde va passer une très très bonne soirée, surtout que c'était mis seulement sur RIG 90.7, la radio des Beatles, bien entendu. On va profiter de ce petit moment de présentation pour vous proposer de tout savoir sur les Beatles grâce à une certaine Linda, Lovely Rita, pas Linda, Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, c'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga. Retour au super concert. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Or maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pull me out of time. You hung me on a line. Maybe I'm amazed at the way I really need you. 90.7. Ce soir, c'est le live de Paul McCartney, un live recréé par la saga des Fab Four, et j'espère que vous allez en profiter. Sur Érigé, nous avons entendu un petit medley So Glad to See You Here, Rock Show et Jet, qui était absolument merveilleux, avec un petit bout de We're Open Tonight, si je me souviens bien. Il y a eu ensuite Flaming Pie, Maybe I'm Amazed, et à l'instant Magneto and Titanium Man, toujours dans le live de McCartney. Paul vient de dire qu'il va présenter dans quelques instants une chanson hommage à John Lennon, mais auparavant, un petit retour, plus ou moins, du côté des Beatles, avec une ou deux chansons dans le medley qui va faire l'hommage à John Lennon. Too many people to win on the A crowd of people stood and stared. Sur RIG 90.7 et également www.rigfm.fr. On nous écoute tout le temps, partout, en France, en Europe et même dans le monde. Because I want to say hello to Alan Silver on the East Coast of America. Voilà. La suite de la saga, c'est maintenant avec le concert de Paul McCartney. La suite, tout de suite. Love.

90.7. Ce soir, c'est l'avant-dernière émission de la saga des Fab Four. La prochaine, la semaine prochaine, le 28, ce sera la dernière de la saison 39. Profiter pour vous reciter les chansons passées. Nous étions arrêtés, je crois, à Magneto and Titanium Man. Il y a eu Too Many People, le medley avec She Came In Through the Bathroom Window, puis A Day in the Life, Give Peace a Chance, en hommage à John Lennon. Il y a eu ensuite In Spite of All Danger, la plus vieille chanson, la première chanson, je crois, d'ailleurs, écrite par Paul McCartney. Il était tout pequeño, tout petit. Il y a eu ensuite pour sa femme Nancy, My Valentine, ajouté Accentuate the Positive. J'adore cette chanson sur l'album Kisses on the Bottom. Puis il nous a fait un 8 Days a Week avec un petit changement sur New pour revenir dans les années McCartney des 2010. Puis Alligator à l'instant. Que nous propose-t-il dans quelques instants? Eh bien, je vais remonter le son du studio, du stade plutôt, pour voir ce que ça donne. J'espère que tout va bien pour vous. C'est Thierry Gallet qui vous tient compagnie jusqu'à 22h et peut-être 2 minutes avant de retrouver Eric et son fantastique Johnny de A à Z. Ça, c'est Sing the Changes. On se rend compte que Paul McCartney, dans ce concert, ce soir, pour la fête de la musique, multiplie les chansons qui proviennent de ces dernières années, on va dire entre les années 2000 et 2020, et c'est plutôt très très intéressant. Mais là, il vient de nous dire, il est temps pour moi de rendre hommage à un pote qui me manque beaucoup, c'est George Harrison. Voici la chanson. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made. I like that. bien sûr RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h, et également entre septembre et juin, c'est l'avant-dernière émission, c'est la numéro, attendez, je vais vous dire, c'est la numéro 568, rien que sur RIG. Mais autant vous dire que depuis 39 ans, on en a fait des émissions sur pas mal de radios d'ailleurs, mais je crois que c'est le plus longtemps ici sur RIG, et tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. McCartney ce soir a décidé de nous faire plaisir en nous écoutant. On lui a dit de monter un peu plus en puissance sur ses chansons de 2000, 2010, 2020, pourquoi pas. Et il nous a écoutés. Voici la suite du concert sur RIG. Find

De nous proposer ça en concert aujourd'hui pour la spéciale fête de la musique. Nous sommes bientôt à la fin du concert et je vous propose la suite avant Eric pour Johnny de A à Z. just say also a great big thank you to this band of mine. But most of all, as usual, we all want to say thanks to you. I will sing a lullaby. voilà, c'est fini. Bon, eh bien écoutez, ça a été pénible, hein. Non, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière. Merci, je vous laisse avec Eric. À bientôt, ciao.